sound of the police. On a entendu un gros boom. Enfin, tout a pété. La police, c'est de la merde. L'armée, c'est de la merde. La justice, messieurs les jurés, c'est de la merde. La religion, c'est de la merde. La patrie, c'est de la merde. Le capital, c'est de la merde. Et à moi, toujours de la merde. Et tiens. Radio Cayenne de nous accueillir. Et pour les personnes qui ne connaissent pas le magazine Libertaire, c'est une émission qui était diffusée donc tous les jeudis soirs à 20h40 sur Alternante jusqu'en juin dernier. Depuis, Alternante a déménagé et pour des raisons de fonctionnement et de non-accès aux locaux le soir pour des émissions en direct, car nous voulons continuer les émissions en direct, et nous diffusons. Pas pour l'instant, plus pour l'instant, sur Alternante. Sur Alternante, mais oui. Nous allons revenir parce que nous sommes en train de constituer un studio mobile, oui. Voilà. Et nous diffuserons dans Nantes en direct comme avant. Comment ? Nous diffuserons notre émission en direct comme avant, mais dans des locaux. C'est la raison pour laquelle on ne diffuse plus sur Alternante. Décentré. Parce que du coup, nous n'avons pas le matériel pour cela. Et d'ailleurs, on peut faire un appel pour les personnes qui ont du matériel d'occasion, du matériel qu'on peut utiliser pour un studio mobile, comme une table de mixage. Même du matériel neuf, hein, si jamais les gens sont vraiment très généreux. Oui, et en fait, on est preneurs. Voilà, donc vous pouvez nous écrire maglig@boom.org. Oui, et notre site fonctionne toujours. Notre site fonctionne toujours. Donc il y a des mises à jour régulièrement. Régulièrement. Voilà. Donc on peut toujours écouter les anciennes émissions. Et, sur maglib.boom.org. C'est ça. Et les prochaines qui arriveront dans quelques semaines, voire quelques mois. Voilà. Voilà, voilà. Donc on va commencer tout de suite avec un son. Donc je te laisse le présenter parce que voilà. Du coup, voilà. Quoi. J'espère qu'on nous entend bien. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas habitué à diffuser, donc de... En tout cas, cette manière de faire, pour l'instant, en nous concernant, elle est nouvelle. Donc, si on a quelques citations, si on a l'impression qu'on n'est pas très à l'aise, voilà, il ne faut pas nous s'étonner. On n'est pas des professionnels non plus, il faudrait me le rappeler. Et dire que dans amateur, il y a plaisir, voilà. Comme disait un ami. Si on pouvait avoir des retours dans nos techniques, ce serait pas mal aussi. Peut-être on peut en profiter pour dire aux personnes qui nous écoutent que c'est possible de nous rejoindre sur le chat. Pour faire ça, vous pouvez aller sur le site webchat.antirep.net. Webchat, ça s'écrit webchat.antirep.net. Et vous allez avoir un champ channel où faudra rentrer dièse Cayenne et un champ login où vous pouvez entrer votre pseudo. Et du coup, ici, vous pouvez nous dire, dans ce chat, vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien ou pas, s'il y a des grosses différences de son entre la musique et les micros, si... Et éventuellement, si ce qu'on vous raconte vous intéresse ou pas. Ouais, aussi, surtout si ça vous intéresse. Donc, là, on va vous présenter un son qui a été réalisé... très récemment à Saint-Nazaire. C'est une personne qui s'appelle Claire Ozias qui vient de sortir un livre qui s'appelle Trimard, pègre, entre guillemets, mauvais garçon de mai 68 à Lyon. Voilà, donc elle était aux éditions ACL, pardon. Donc elle était sur Nantes et Saint-Nazaire il n'y a pas très longtemps. Et donc elle raconte un épisode assez quasiment méconnu au moment de mai 68 sur un peu des mauvais garçons et mauvaises filles, de voyous, de gens qu'on n'a pas théorisé ou du moins qu'on n'a pas donné une place dans le projet de la Révolution, tel que bon nombre le définissaient à l'époque et peut-être le définissent encore aujourd'hui. Donc elle relate un petit peu ses parcours de vie et elle rappelle très brièvement, mais elle le dira mieux que moi, que peu étaient avec eux pour les défendre à la fin des événements de mai 68. Voilà. Donc j'ai pas m'attardé. Donc le son dure à peu près une demi-heure et ce que vous allez entendre, ça a été enregistré à Saint-Nazaire. Bonne écoute. Une période turbulente. Une période de commémoration du cinquantenaire de mai 68. Très turbulente. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens veulent parler. Beaucoup, beaucoup. N'importe qui a rien à dire veut parler. Je ne vous citerai aucun nom. Mais c'est catastrophique. Plus ils veulent parler et moins ils ont à dire. Et pourquoi veulent-ils donc tous parler alors qu'ils n'ont rien à dire ? Et pourquoi ils n'ont rien à dire ? Mais parce qu'ils ne savent rien. Et je vous dis ça parce que je suis encore sous le choc de l'émotion. Évidemment, j'ai préparé ce livre il y a 3 ans, en sachant que nous arrivions vers le cinquantenaire de mai 68. Je ne suis donc pas absente de ce cinquantenaire. Mais je suis quand même encore sous l'émotion du lancement de ces festivités officielles auxquelles j'ai assisté il y a 15 jours. J'ai cru que je faisais un infarctus. Des gens 40, 45 ans. En général, ils nous détestent les 68ards. Haut placés dans la hiérarchie universitaire, qui ont décidé qu'ils allaient faire mai 68 en théorie, parce que comme ce sont des grands universitaires, on ne fait pas dans le détail, la théorie. Bien entendu, il n'y a jamais eu de théorie de mai 68. Castoria 10, Lefort, tout ça, c'est du menu fretin. Guy Debord, rien du tout. C'est nous qui allons faire la théorie, ces jeunes parvenus. Je suis offensée par la façon publique dont se prépare l'enterrement de première classe de mai 68 par tous ces gens. Je suis, en tant que 68arde, offensée, vraiment. Car tout ceci vise à quoi ? À nous faire taire. Alors en 1890, lorsque Louise Michel, à la demande de ses camarades, a entrepris de rédiger ses mémoires de la Commune de Paris, 20 ans après, elle a écrit « Nous qui sommes comme des fantômes ». Car il y avait encore des communards survivants à la fin du XIXe siècle. Puisque nous avons ce film merveilleux d'Armand Guéra, La Commune de Paris, qu'il a tourné en 1914, dans lequel on voit Nathalie Lemel et d'autres communards qui viennent figurer dans ce film. Nous qui sommes comme des fantômes. Eh bien, ces célébrations publiques qui se préparent, elle vise à nous faire taire encore plus et à réitérer ce qui a été une défaite politique monumentale, à savoir la défaite des 68ards. Et voilà pourquoi je veux vous faire part, d'abord, avant de vous faire part de ce sur quoi j'ai travaillé, de cette indignation devant la façon dont les célébrations officielles se préparent. Nous avons deux univers qui ne se rencontrent pas. L'univers des alternatifs dont vous êtes, vous tous ici, et l'univers des officiels. Je ne vous dirai pas que parmi ces officiels, ils soient tous illégitimes, que les Beaux-Arts de Paris préparent leur cinquantenaire est pour le moins naturel, puisque toutes les affiches sont sorties de chez eux. Je ne dirai certainement pas que ce soit illégitime. Que l'école d'architecture prépare son cinquantenaire, elle a était active à l'époque, dans mai 68. Que les archives publiques de France nationale préparent une grande expo, c'est son rôle. Bon. Mais quand même, tous ces officiels, ils visent tout de même à prendre la parole, c'est-à-dire le pouvoir, sur un événement qu'ils essayent de contrôler et de faire taire. C'est un mouvement tout à fait paradoxal. On en parle, on en parle, on en parle, pour étouffer ce dont il est question, à savoir une insurrection politique qui a été une défaite qui a expédié, j'allais dire, ad patrem, tous ceux qui se sont retrouvés dans cette insurrection. Alors, il se trouve que moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'un fragment des insurgés de mai 68 dont personne n'a parlé avant moi en termes historiques. Des journalistes en ont parlé à l'époque beaucoup, mais sans avoir la moindre idée de quoi il était question. Ces gens s'appelaient à Lyon des Trimards, à Nantes ils s'appelaient des Zonards, à Paris ils s'appelaient des Catonguais, à Grenoble ils s'appelaient des Loulous, et à Bordeaux des Octobristes, mouvement révolutionnaire octobre, et j'ai appris entre-temps qu'il y avait également des gens de ce genre à Nancy, dans la faculté occupée, et on m'a cité, et également à Toulouse, paraît-il. Ça veut dire que, chose que j'avais déjà repérée en faisant ce travail, il y avait des gens de ce genre dans toutes les facultés occupées de France. Alors, qui sont ces gens? Ces gens, ce sont des insurgés absolument imprévus et imprévisibles dans les émeutes de mai 68. Ce sont, on les appelait souvent, par exemple, des blousons noirs ou des voyous. L'époque des années 1960 était hantée par l'idée des blousons noirs. C'était l'arrivée du rock'n'roll en France, du rock'n'roll comme expression de révolte violente chez les jeunes, des bandes de jeunes, il y avait déjà Gene Vincent, les Chaussettes Noires, Vince Taylor, etc. C'est cette époque-là. Ce sont les gens qui se retrouvaient dans cette culture-là importée des États-Unis. Bon. Ce sont ces gens-là, j'ai pu retracer leur portrait social et sociologique, ce sont des prolétaires, mais ce ne sont pas des prolétaires idéologiques, ce sont des prolétaires sociologiques. Je veux dire par là que ce sont des gens qui proviennent des classes laborieuses, qui sont des ouvriers, souvent qualifiés, souvent ils ont des métiers, et quelquefois non qualifiés, mais la plupart du temps qualifiés. Mais ce sont des ouvriers qui, à la différence des prolétaires idéologiques, des prolétaires en carte, des prolétaires nobles de la Révolution, nobles et présentables, ceux-là ne travaillent pas tout le temps. Ce sont des précaires. Ce sont des ouvriers précaires. Ils sont souvent au chômage. Et au chômage, dans les années 60, c'est par choix, bien davantage que par obligation et nécessité. Non pas que le plein emploi soit aussi radieux que ce qu'on veut bien nous faire croire aujourd'hui, parce qu'il y avait déjà du chômage qui commençait à poindre son nez à la fin des années 60. Et d'ailleurs, les premières grèves ouvrières des années 65, 66, 67, juste avant mai 68, sont des grèves ouvrières partout dans le pays, notamment à Lyon, mais également d'autres que moi parleront de Saint-Nazaire, parce qu'on commençait précisément à licencier à Lyon pendant l'hiver 1967-1968, à Rodiaceta, usine textile chimique, on prévoit de licencier 700 à 900 personnes. Donc, le chômage pointe son nez. Hein? Mais malgré tout, ça n'a évidemment absolument rien à voir avec aujourd'hui. Donc, nos trimards ou zonards sont des ouvriers précaires qui travaillent quand bon leur semble, en un mot comme en deux. Et pourquoi? Eh bien parce que, contrairement à ce que les théories révolutionnaires nous font croire, les ouvriers par métier, n'ont pas forcément envie que toute leur identité, toute leur vie, soit engloutie dans le domaine de l'usine. Il y en a qui ont envie d'aller au concert, par exemple. Il y en a qui ont envie de faire autre chose qu'aller travailler, pointer 8 heures par jour tout le temps. Et donc, ces gens-là ont en outre une vie entre eux, entre soi, une vie à la rue. C'est ce que les observateurs de l'époque appellent les bandes de jeunes. Il y avait un auteur dans les années 60 qui s'appelle Émile Kopfermann, qui était d'ailleurs un militant gauchiste, je crois trotskiste si mes souvenirs sont bons, Émile Kopfermann, qui a donc écrit son livre Les bandes de blousons noirs, hein, sur l'époque, pour essayer de caractériser ce qui était en train de naître. Bon, il se trouve qu'à Lyon, comme ailleurs en France, nous avons occupé la faculté des lettres du centre-ville, vieux bâtiment du 19e siècle, plein centre-ville, occupé cette faculté, non pas pour en faire le lieu de reconstruction d'une université meilleure, mais pour en faire le QG, en quelque sorte, de la Révolution qui devait s'étendre aussi loin que possible. Nous, quand je vous dis nous, j'y étais, mais j'avais 17 ans et j'étais lycéenne. C'est-à-dire que vous pensez bien que dans un cas pareil, ça risquait pas que je sois au cœur de l'action des décisions. Bien entendu, j'étais une lycéenne, j'étais loin d'être informée de ce que mes camarades de quelques années plus âgés que moi organisaient et tramaient. Moi, je suivais. Bon. Mais enfin, ils ont décidé d'occuper cette faculté. Elle a été occupée le 11 mai, la Sorbonne a été occupée le 10. Donc vous voyez, ça s'est passé à même pas 24 heures près. Et puis, au bout de quelques temps, c'est-à-dire peu de temps, l'un d'entre nous, Roch Lyonnais, puisque Roch Lyonnais est décédé, il s'est suicidé en août 68, Roch Lyonnais qui était au mouvement du 22 mars et qui était étudiant aux Beaux-Arts de Lyon, va chercher ses trimards, Loubar, Zonard, là où il se retrouvait dans la ville, en public, à savoir sous un pont, sous le pont La Feuillée, pour les inviter à venir occuper la fac avec nous. Pourquoi faire ? Eh bien, pour se battre contre la police. Alors ils sont venus. Ils sont venus et ils se sont installés dans la fac, avec leur folklore, dont tout le monde parlait. Les professeurs qui croyaient être là pour reconstruire une université plus convenable étaient complètement stupéfaits de voir des gens aussi éloignés de la coutume étudiante. La plupart des étudiants de l'UNEF, bien propres sur eux, se demandaient ce que foutaient dans cette université des gens pareils. Eh bien, ce qu'ils y foutaient, ils foutaient comme nous tous, ils étaient là pour faire la révolution. Et le fait que des gens du 22 mars soient allés chercher ces personnes, c'était aussi le signe que la révolution, la faculté, elle n'est pas là pour défendre ses privilèges. Elle est là pour être ouverte au public. Et d'ailleurs, il y avait un panneau sur la rue qui disait « Faculté ouverte », tout comme à la Sorbonne. Il se trouve que moi, je vous parle d'un point de vue autre que celui qu'on trouve partout, à savoir le point de vue centralisé, c'est-à-dire Paris. Mais évidemment que les pratiques étaient absolument semblables. Donc, université ouverte. Alors, ouverte à tout le monde. Et parmi les personnes que j'ai interviewées, il y a un éditeur qui n'est pas breton, mais qui vit en Bretagne, qui était à Lyon, qui était ouvrier dans une très grosse usine, et qui venait, et c'était un ouvrier oppositionnel, bien sûr, et qui venait tous les jours à la faculté de Lyon écouter les débats, car il y avait des débats. Alors il y en a un qui faisait des cours de marxisme, il y en avait un autre qui faisait aller donc savoir, moi j'en sais rien, moi histoire des révolutions, il y avait des débats thématiques. Il n'y avait pas seulement des débats organisationnels, on fait quoi, comment, avec qui, où, etc. Il y avait aussi des débats thématiques. Voilà. Alors, il se trouve que à Lyon, il y a eu, comme partout en France, le 24 mai, une nuit des barricades. À Nantes, c'était le 24 mai également. À Lyon, nous marchions dans les rues en immense cortège avec quelques-uns de nos camarades, le mégaphone à la bouche et qui disait « À Nantes, on se bat, à Lyon, on se promène ». C'était le mot d'ordre pour faire bouger les Lyonnais. « À Nantes, on se bat, à Lyon, on se promène ». Bon. Il y a donc eu cette nuit de barricades et il se trouve que dans cette nuit des barricades de Lyon, il s'est passé un événement spécial qui est le seul qui a eu lieu en France, à savoir un commissaire de police est décédé au cours de cette émeute. Nous étions tous présents dans l'émeute et ce commissaire de police est décédé. Et une chose est sûre, c'est que les médecins, le corps médical est venu à la faculté le lendemain matin pour nous dire le commissaire de police est décédé d'un infarctus. Mais la réaction, qui avait besoin d'un martyr, s'est emparée de cet événement, la mort accidentelle d'un commissaire de police, pour en faire un martyr et la transformer en « ce commissaire de police a été écrasé par un camion lancé par les manifestants ». Il est exact que le camion a existé. Il y a même eu 3 camions. Nous étions sur un pont et à un moment, un camion a été amené par des manifestants avec une benne, un petit camion, avec une benne qui se lève et dans la benne, c'était plein de gravats. Et ils apportaient ce camion pour apporter des gravats aux manifestants pour caillasser la police. Et soudain, quelqu'un, je ne sais pas qui, a l'idée de lancer ce camion sur le pont contre la police pour ouvrir une brèche. Parce que l'idée, c'était, on va occuper la préfecture qui était de l'autre côté du pont. Donc tout simplement pour ouvrir une brèche dans le rang des policiers. Donc on balance ce camion, on met un pavé sur l'accélérateur, on le met en première et le camion se part. Et il y a une bosse sur la chaussée, le camion part pas tout droit, il est détourné de sa route, plouf, il fait un ricochet et il va s'encastrer contre un lampadaire. Bon, la photo du camion contre son lampadaire, vous la trouvez sur Internet, elle est partout, vous pouvez tous la voir dès que vous voulez. Il est impossible qu'entre le camion et le lampadaire, il y a eu le corps d'un homme et d'un seul. C'est absolument impossible. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce commissaire de police, qui était soigné pour troubles cardiaques et qui n'était pas en service cette nuit-là, a voulu rejoindre sa brigade qui était en service et qui se battait. Et il voit arriver ce camion, il fait un infarctus, il est expédié en ambulance, et ça, j'ai retrouvé dans les archives la trace exacte. Il est expédié vivant en ambulance à l'hôpital pour être soigné. Il est soigné, les anesthésistes lui parlent, les médecins lui parlent, tout le personnel médical lui parle, on lui fait un massage cardiaque, et plouf, il fait un infarctus et il meurt. Il meurt d'un infarctus à l'hôpital. Cette histoire a été le début de la fin. Et à partir de là, la réaction a cherché absolument des boucs émissaires. Et elle a trouvé ces boucs émissaires. C'était si facile, il suffisait d'y penser. C'est Trimard qui se baladait dans la fac en se défonçant à l'éther, en fumant un peu de haschich, mais surtout à l'éther et aux amphétamines, qui avait un folklore, qui avait les cheveux teints en roux, qui avait un crucifix, on se croirait, vous savez, chez les punks, là, les gothiques, là, le poitrin, qui faisait des orgies de beuverie la nuit, qui brûlait les tables des amphithéâtres pour faire un feu de bois dans la cour. On était en mai, en juin, en mai, quoi. Il faisait chaud. Bon, alors, eh bien, la police a arrêté, fin juin, l'un de ses garçons pour l'inculper de l'assassinat, nominativement, du commissaire de police. Mais comment peut-on inculper une personne pour une émeute collective où il y a des milliers de gens? Heureusement, ils ont fini par en réchapper. Mais Michel Raton, Marcel Munch et Michel Mougin, ils ont quand même fait 18 mois de prison. Et nous avons fait un comité de soutien, pour la libération des prisonniers politiques de mai 68. Et au bout de 18 mois, ils sont passés en cour d'assises, ils ont été acquittés. Donc, ils ont quand même fait 18 mois de prison. Et ça, c'est une chose qui passe tout à fait inaperçue dans l'histoire de mai 68. Parce que, avant de me taire et de vous laisser la parole, je voudrais vous dire, tout le monde parle des années 68. Mais ça n'existe pas, les années 68. Parce que les gens qui se sont révoltés en 1970, les féministes qui ont créé le mouvement de libération des femmes en 1900, le 26 août 1970, ce n'est pas des insurgés de mai 68. C'est un autre recrutement. La gauche prolétarienne qui ça faisait arrêter pour distribution de tracts dans les années 70, 71 et 72, on les foutait en tôle pour 2 mois pour simple distribution de tracts. Ce n'est pas des insurgés de mai 68. C'est très très rare. Les personnes qui ont créé les fameux mouvements des années 70 dont tout le monde parle, c'est un autre recrutement. Ce ne sont pas les mêmes gens. Je vous ai dit, Roch Lyonnais s'est suicidé en août 68. Les gens, on était tous en tôle, partis au bout du monde, malades, suicidés, en hôpital psychiatrique. Pourquoi est-ce qu'on parle des années 68 ? Parce que ça masque une très grave polémique politique. C'est-à-dire que certains gauchistes qui étaient contre l'insurrection et le mouvement de mai 68 pendant mai, et qui, comme Robert Linhart, pour ne pas les nommer, toute personne honorable par ailleurs, envoie ses instructions le 10 ou le 11 mai. N'y allez pas, c'est une révolution, c'est un mouvement petit bourgeois. N'y allez pas, faut pas y aller, c'est pas le moment. Alors évidemment, quand ils se réveillent en 1972 pour faire la révolution, mais on est déjà tous morts, c'est pas les mêmes gens. Donc ça masque, parler des années 68, ça masque le fait qu'il y a eu un affrontement politique très grave. Je ne vous parle même pas de la CGT et du Parti communiste, avec leurs élections, de Mitterrand, de la FGDS, qui ont été évidemment un fiasco, et tant mieux pour ceux qui ont cru qu'ils allaient pouvoir faire aboutir un mouvement insurrectionnel comme celui de mai 68 dans les urnes avec des gens pareils. Bon, ce fut un fiasco. Bon, mais il n'y a pas d'année 68 au pluriel. Mai 68 dure 2 mois, le mois de mai et le mois de juin. Il se termine fin juin avec les élections qui sont perdues et après on est dans la défaite. Une défaite dont nous ne nous sommes jamais remis. Demandez aux insurgés, n'allez pas demander aux observateurs, aux extérieurs, aux gens qui... Évidemment, non point que les observateurs n'aient rien à dire. Tous les points de vue sont importants, il faut tous les donner. Mais simplement, ce ne sont pas du tout les mêmes. C'est ça, ce ne sont pas les mêmes points de vue. Parce que ce ne sont pas les mêmes expériences. Comme ce ne sont pas les mêmes expériences, ce ne sont pas les mêmes connaissances. C'est une défaite politique dont les 68ards ne se sont pas remis. Et ceux qui s'en sont remis et qui ont fait carrière ultérieurement là-dessus, ça veut dire qu'ils n'y étaient pas beaucoup. C'est ça que ça veut dire. Pas beaucoup. Voilà. Alors, donc, sachez que cette digression était pour vous dire que les vrais prisonniers politiques de mai 68, ce sont ces trimards. Je crois qu'à Nantes, il n'y en a pas eu. Mais il y en a eu à Bordeaux, le groupe révolutionnaire Octobre. Ils ont été condamnés en cour de sûreté de l'État. Ils ont été condamnés à 6 ans de prison, 4 ans de prison, etc. pour jet de cocktail Molotov contre des commissariats de police et le siège des comités de défense de la République, groupuscule fasciste destiné à lutter contre mai 68. Ils ont été acquittés parce qu'un an plus tard, il y a eu des élections, il y a eu l'amnistie, donc ils ont fait finalement qu'un an de tôle, les Bordelais. Mais ils ont quand même fait un an de tôle. C'était pareil, des ouvriers exactement comme les trimards. Donc les trimards de Lyon, les Bordelais et les Katangais, qui ont également fait de la tôle, ça, ce sont les prisonniers politiques de mai 68. C'est-à-dire ces lumpen prolétaires-là, dont personne ne parle. Et après, les militants politiques, les gauchistes, qui se sont mobilisés dans les années 70, oui, ils ont été réprimés, ça c'est une certitude. Mais on est dans une autre histoire. Moi je suis d'accord qu'on fasse l'histoire des années 70, mais commençons déjà par faire celle de mai 68, et on fera celle des années 70 en son temps, après. Bien sûr qu'il faut la faire, cette histoire des années 70, mais pas mélanger tout, parce qu'à ce moment-là, ça fait été noir et ça ne ressemble plus à rien. Voilà. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais vous ajouter d'autre, mais en tout cas, peut-être qu'on peut lancer la discussion, non ? Le débat ? Toutes ces traces, tu les as retrouvées dans des archives, c'est ça ? Alors, j'ai utilisé plusieurs documents. J'ai utilisé d'abord des archives privées. Des archives privées qui avaient réuni mon amie la plus proche, Françoise Routier, décédée depuis 20 ans, et qui était une militante politique de grande pointe. Et une amie chercheur, Christine Fauré, m'a dit que vraisemblablement j'avais dans ce livre dressé le premier, ça c'est sûr, mais vraisemblablement le seul portrait d'une femme leader politique de mai 68. C'est le cas de Françoise Routier. C'était une femme remarquable. Donc, Françoise Routier a réuni, qui était une militante donc, à Lyon, luxembourgiste, a réuni une énorme documentation qu'elle m'a léguée. Donc j'ai travaillé sur cette documentation, c'est-à-dire les tracts, les discussions entre les militants, c'est une énorme documentation. À cette documentation que Françoise m'a léguée, dans cette documentation, j'ai trouvé notamment l'histoire du comité de soutien aux prisonniers politiques de mai 68, c'est-à-dire l'histoire de comment nous avons arraché ces trimards aux griffes de la justice. Bon. Après, j'ai voulu comprendre qui sont ces gens-là, c'est-à-dire qui sont ces figures complètement englouties dont personne ne parle jamais de mai 68, donc ces trimards, Zonard, Katanguay et autres. Et pour cela, j'ai demandé l'accès aux archives qui ne sont pas encore ouvertes au public, mais enfin qu'on donne quand même assez souvent. J'ai demandé l'accès aux archives de police. Donc j'ai eu accès et j'ai travaillé sur les archives de police de Lyon, de Bordeaux, de Nantes et de Paris. Paris, pas toutes, juste un tout petit bout. Et même dans les autres villes d'ailleurs, c'est assez lacunaire. Je n'ai pas fait systématiquement tout. Bon. Et d'ailleurs, je voudrais vous dire une chose intéressante, c'est que dans les archives départementales de Loire-Atlantique, dans le dossier archives que j'ai demandé, en tout cas celui que j'ai demandé, c'est Saint-Nazaire. En Loire-Atlantique, c'est Saint-Nazaire, le plus gros dossier. C'est pas Nantes, c'est Saint-Nazaire. Sur Saint-Nazaire, vous en avez un paquet haut comme ça à cause des usines. Parce qu'évidemment, tout est consigné, c'est le rôle de la police, tout est consigné. À cause des usines et des grèves ouvrières. Donc le dossier Saint-Nazaire est énorme et le dossier Nantes, il est petit comparativement. Voilà. Donc j'ai eu cette documentation et j'ai complété enfin tout le total par une dizaine d'interviews auprès de copains et copines dont j'étais certaine qu'ils avaient pris part à l'insurrection, à la fac et à toutes les insurrections pendant mai. Parce que les gens se reconstruisent des histoires, vous n'avez pas idée. Si vous les écoutez, ils étaient toujours partout, tout le temps. Même s'ils sont nés 30 ans plus tard, c'est incroyable. Donc moi, je n'ai pris que des gens que j'avais vus au travail. Comme ça, au moins, j'étais sûre de... Voilà. Donc, c'est avec toute cette documentation. Alors, ce livre est plusieurs livres, parce que à la libération de prison de nos camarades trimards, en septembre 1970, certaines personnes du comité de lutte pour la libération des prisonniers politiques de mai 68, dont Françoise Routier, son compagnon, Alain Massé dit Sylvain et d'autres, ont décidé de faire un livre avec ces personnes inculpées, récemment libérées, acquittées, afin que ces exclus de la société dominante aient enfin leur mot à dire sur leur propre sort, qu'ils s'expliquent eux-mêmes sur les aventures qu'ils ont vécues, bref, qu'ils prennent la parole. Et donc ces gens-là ont interviewé les deux trimards, le troisième étant trouvé mystérieusement suicidé sur la voie publique après sa sortie de prison. Et alors que ce livre devait sortir aux éditions Champ Libre, en communication avec Gérard Guégan, au moment de sortir ce livre en 1971, l'un des deux trimards, Michel Raton, déclare soudain « Je ne veux plus que mon livre soit publié ». Et voilà pourquoi ce manuscrit n'a pas été publié à l'époque. Donc mes copains, un peu découragés, ont rangé tout ça. Et moi, j'ai retrouvé ce livre. Et donc, je l'ai publié ici. Donc, dans ce livre-là, dans ce livre, il y a plusieurs livres. Il y a le manuscrit original de ces trimards qui parlent eux-mêmes. Donc là, je leur ai rendu la parole complètement à eux. Et puis, quelques documents. Alors, c'est un peu regrettable parce que Françoise Routier, bon, elle avait 30 ans en mai 68, hein, c'était pas une débutante dans les affaires politiques, mais elle a eu la présence d'esprit extraordinaire quand on a dû vider la fac. Vous savez, il y avait une salle dans la faculté qui servait, si vous voulez, de cellule de coordination des luttes. Bon, une salle. Et dans cette salle, il y avait des petits papiers au mur, des tas de petits papiers au mur. Attention, tel numéro de voiture, c'est une voiture des flics. Telle usine demande deux étudiants du 22 mars pour discuter. Attention, on va aller faire une distribution de tracts à tel magasin, tel jour, telle heure. On demande deux personnes, on demande des piquets de grève. Toutes ces petites notes comme ça, spontanées, si vous voulez, dans la lutte, au cœur de la lutte, étaient manuscrites. Et Françoise les a ramassées toutes, je n'en sais rien, je n'y étais pas, mais enfin, il y a un gros paquet dans ses archives de ces notes manuscrites. Ça, c'est particulièrement émouvant, parce que alors, ça retrace quand même vraiment une réalité, une ambiance de cette lutte-là. Et bon, mes éditeurs, je suis déjà bien heureuse d'avoir trouvé un éditeur, parce qu'inutile de vous dire qu'il n'y a pas un seul éditeur commercial parisien qui n'a voulu de ce livre, bien entendu. Et mes éditeurs, par contre, ne sont pas des graphistes de haut vol, et donc on aurait pu en faire presque un livre d'art pour retracer ces petits papiers, comment c'était. Mais on a seulement mis la liste des usines, des lieux de distribution de tracts, enfin on a seulement retranscrit, si vous voulez, littéralement de quoi il s'agissait, mais pas visuellement, voilà. Donc, bref, il y a là-dedans quelques documents directs émanant de la lutte. Il y a également le manuscrit original de Raton et de Munch qui n'a pas été publié en son temps. Et puis, il y a l'histoire de mai 68, vue sous l'angle uniquement du 22 mars et des alliances avec ses trimards. C'est-à-dire qu'il n'est pas question des groupuscules, toute l'histoire dominante est absolument absente dans ce livre. Ça ne m'intéresse ni de près ni de loin, il n'en est pas question. Non point, ça m'intéresse, c'est pas le mot, mais dans la mesure où j'ai voulu mettre le braqueur, l'accent sur ces personnages-là, il ne s'agissait pas de les noyer par l'histoire de la CGT, du PSC, de la CFDT, du PSU. Non, d'autres feront ça, le font très bien. Il y a une bonne histoire du PSU, la CFDT prépare son histoire, les Mao ne font que parler depuis longtemps, il paraît que les trotskistes ont rédigé il y a quelques années déjà une histoire assez bien détaillée, je ne l'ai jamais vue, mais bon, de leur propre histoire. Donc toutes ces instances importantes, ont leur rôle, c'est une certitude, bien entendu, mais tout le monde s'en occupe. Donc moi, je m'occupe des autres, du reste, de ce dont personne ne s'occupe. Inutile de vous dire que, comme toujours, dans ces cas-là, dès l'instant que j'ai sorti ce livre avec les trimards, il y a déjà eu deux plagiats. Tout d'un coup, tout le monde sait tout sur les trimards. On n'en a jamais entendu parler pendant 50 ans, mais tout d'un coup, il y a déjà deux plagiats. Bon, bref. Écoutez, voilà, et que vous dire d'autre? Que vous dire d'autre? Vous dire que des gens comme ça, il y en a dans toutes les émeutes. Ce sont eux qui sont la chair des révolutions. C'est Gavroche, c'est les enfants des rues de Gensu. Vous les trouvez dans toutes les émeutes. J'ai d'ailleurs trouvé un très beau poème du 19e siècle que peut-être je vais vous dire quelques mots pour vous mettre dans l'ambiance. Un poème qui nous est rapporté par Raymond Queneau dans un petit livre tout à fait merveilleux que je vous conseille pour vos moments de vague à l'âme. Un petit texte de Raymond Queneau qui s'appelle « Philosophe et voyou » qui est absolument extraordinaire et dans lequel il rapporte un poème d'un auteur inconnu du 19e siècle. Et je vais vous lire ça. Alors, voilà. C'est qui les trimards ? C'est cet enfant criard que l'on voit à toute heure, paresseux et flânant. mais que l'émeute aussi passe devant sa porte, soudain, l'instinct du mal le saisit et l'emporte. Le voilà grossissant les bandes de vauriens, molestant le repos des tremblants citoyens, et hurlant, et le front barbouillé de poussière, prêt à jeter à Dieu le blasphème et la pierre. Voilà, c'est ça les trimards. Vous les trouvez à travers tous les siècles. Ils sont passés complètement inaperçus des idéologues. Ils sont toujours dans toutes les émeutes. Donc là, vous venez d'entendre un entretien de Claire Ozias à propos de son livre. Donc, si vous voulez aller dans le texte et avoir davantage de précision, là, on a le droit à un petit condensé. Donc, ça s'appelle « Trimard Pègre, mauvais garçon de mai 68 » à Lyon, voilà. Et c'est aux éditions de l'atelier de création libertaire. Vous pouvez aller sur Internet ou si vous passez par la griffe. Oh, je voudrais tant. Avec le pouvoir qui les suit, tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler. C'est une pratique qui nous rassemble. Assassine l'Argentine, nous survivons tous deux ensemble, tu les fous en l'air sur le port d'Anvers, mais le crime rapproche ceux qui baissent. Thank you.

C'est aussi elle qui fait qu'au 1er janvier 2016, 769 mineurs étaient écroués en EPM. Ils et elles étaient aussi plus de 10 000 à faire l'objet d'une mesure de placement parce qu'ils avaient commis ou étaient soupçonnés d'avoir commis un délit. Et puis cette même ordonnance, c'est elle qui fait que chaque année, ce sont 1 500 jeunes de 13 à 18 ans qui sont envoyés en centre éducatif fermé. Avec le projet du ministère de la Justice d'en ouvrir 18 nouveaux, ce sont 300 à 500 jeunes supplémentaires par an qui passeront leur journée derrière les murs de ces prisons qui ne disent pas leur nom. À terme, c'est une cinquantaine de ces centres qu'Emmanuel Macron a promis d'ouvrir pendant son mandat. Et pour finir, je voulais revenir un petit peu en arrière au 19e siècle pour dire que les filles, elles n'avaient pas été épargnées et elles sont souvent les grandes oubliées dans l'histoire de l'enfermement des enfants et des jeunes. Celles qui étaient considérées comme des mauvaises filles étaient envoyées dans des congrégations religieuses, dont la première, celle du Bon Pasteur, a ouvert à Angers en 1850, avant de devenir un réseau de plus de 20 établissements en France et en Europe. Cette congrégation, qui sévira jusque dans les années 1970 et qui était considérée comme une référence dans le redressement des jeunes filles, à qui on voulait faire passer le goût du flirt, des fugues, de l'émancipation, de la liberté, du vagabondage, voire de tomber enceinte après s'être fait violer. Au programme, travail de blanchisserie, couture, broderie, cuisine, ménage, jardinage, sans oublier, bien sûr, les heures de prière dans le but, je cite, de réformer leurs habitudes vicieuses et de les ramener à la vertu. On en reparlera dans une prochaine émission. Bandit, voyou, voleur, schnappant. Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau. Bandit, voyou, voleur, schnappant, qu'est-ce que c'est hurlements? Bandit, voyou, voleur, schnappant, c'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Il avait dit: j'en ai assez de la maison de redressement. Et les gardiens à coups de clé lui avaient brisé les dents. Et puis il l'avait laissé étendu sur le ciment. Bandit, voyou, voleur, schnappant, maintenant il s'est sauvé. Et comme une bête traquée, il galope dans la nuit. Et tous galopent après lui, les gendarmes, les touristes, les rentiers, les artistes. Bandit, voyou, voleur, schnappant, c'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Pour chasser l'enfant, pas besoin de permis, tous les braves gens s'y soumis. Qui est-ce qui nage dans la nuit? Quels sont ces éclairs, ces bruits? C'est un enfant qui s'enfuit, on tire sur lui à coups de fusil. Bandit, voyou, voleur, schnappant, ces messieurs sur le rivage sont bredouilles et verts de rage. Bandit, voyou, voleur, schnappant, rejoindras-tu le continent? Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a